إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله je suis content de revoir les frères Alhamdulillah, après qu'on ait eu des problèmes, là on s'est réunis encore, Alhamdulillah. Et étant donné qu'on se revoit encore une fois, Alhamdulillah, j'aimerais commencer avant de rentrer dans le sujet pour faire un rappel général de ce qu'on avait dit lorsqu'on avait commencé ce dars au tout début. C'est que la raison pourquoi on fait ce dars, bien entendu, c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, augmenter notre connaissance en sa religion. Et puis, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est comme on avait toujours expliqué, c'est pas la quantité de personnes qui viennent au DARS qui est importante, la quantité de personnes qui sont là, mais l'important c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'on soit réunis ensemble pour parler d'Allah, pour parler de sa religion, on fait toutes les barakas et toutes les bénédictions qui reviennent de ça, du fait que les anges descendent sur nous et puis qu'on est couvert de sa miséricorde et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des facteurs qui font que peu importe, toutes ces raisons-là, on a toujours une baraka, on a toujours une bénédiction. Et comme on avait expliqué aussi que la question du ilm et la question du talabul ilm, de rechercher la science, c'est une question de patience, d'endurance. On ne peut pas penser qu'on va acquérir une connaissance de l'islam quelconque sans se fatiguer, sans faire preuve d'endurance dans l'ilm. Le fait de rester assis pendant une période de temps assez longue et puis d'écouter une parole et de rester attentif, d'essayer d'apprendre et de comprendre, tout ça, ça demande beaucoup de patience. Le trajet qu'on fait pour venir et tous les dépenses d'énergie et de temps, tout ça sont des formes, de ibadah. Tout ça sont des choses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense. Et tout ça sont des choses qui font que, avec toute cette patience et cette endurance qu'on accumule, inshallah, et ben c'est comme ça qu'on acquiert la science. Et puis, les ulama, ils ont toujours commencé, en général, par enseigner aux gens les choses les plus simples et les plus faciles pour commencer. Et on avance de petit à petit vers des choses plus compliquées et plus difficiles à comprendre. Parce que c'est de cette façon-là qu'on apprend, et c'est de cette façon-là que Ar-Rabbaniyoun, les ulama Ar-Rabbaniyoun, comme on les appelle, sont les savants, sont les éducateurs, ils commencent de cette façon-là. Ils commencent toujours par les choses qui sont petites, les choses qui sont simples, et puis ils avancent au fur et à mesure et les choses deviennent de plus en plus complexes et plus compliquées, plus approfondies, plus détaillées. Donc c'est comme ça. La meilleure façon d'apprendre, si vous voulez commencer, c'est de commencer par les petites choses, les petits livres, les choses qui t'expliquent les bases et les fondements, et puis graduellement tu montes et tu avances dans la ligne. Et lorsque tu auras bien compris les bases, les choses simples, tu vas voir que lorsque plus tard tu vas entrer dans les gros livres, et les explications plus détaillées, toutes ces choses-là vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à comprendre pour toi. Donc ça, c'est un rappel. Le livre qu'on a commencé, c'est un livre qui est assez volumineux quand même, avant de commencer, j'avais peut-être pas calculé la grosseur. Je pense. Ah, ok, pour le fiqh. Oui, ça, c'était bien. Madarij al-Salikoun. Madarij al-Salikoun. Ou Minhaj al-Salikoun par Cheikh Sa'di. On avait commencé ça. On avait deux jours par semaine. Puis après, on a cessé l'autre parce qu'on n'arrivait plus à faire les deux. Mais on a continué avec Al-Irshad. Al-Irshad, comme je vous dis, c'est un livre assez gros, assez détaillé. Mais il est simple quand même. Il y a quand même le Cheikh, il a gardé une méthode quand même simple d'expliquer les choses. Il ne rentre pas dans trop de détails non plus. Mais il couvre quand même la question assez bien, d'une façon assez générale, puis il te donne une bonne compréhension quand même. Donc c'est pour ça, c'est pas trop simple, c'est pas trop compliqué non plus. Hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce livre et puis j'ai voulu commencer par ce livre. Donc on va entrer dans le sujet. On avait parlé depuis la semaine passée de l'Isra ou le Mi'raj et on avait expliqué les différents points qui se rapportent à cette question. Au sujet des particularités du da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait expliqué l'Isra al-Mi'raj, qu'est-ce que ça signifie, la description de l'Isra al-Mi'raj, comment on la retrouve dans les différents textes, du Coran et des Hadiths. On avait expliqué que ça s'était passé une seule fois, et c'était en état d'éveil, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait avec son corps et non pas avec son âme uniquement, que ce n'était pas en rêve, et que ça ne s'était pas reproduit plus d'une fois. Et là, c'est ça qu'ils avaient parlé et expliqué encore. Et tout ça, ils tirent des paroles de Ibn Kathir et des paroles de Ibn Taymiyyah aussi, le mentionne parfois. Donc on va continuer, là on était rendu, et là il expliquait que ceux qui croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli l'Isra et le Mi'raj plus d'une fois, eh bien, il est dans l'erreur. Donc, on va continuer à cet endroit-là. Le chef dit وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّةً مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَطْ وَمَرَّةً إِلَى مَكَّةَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَطْ وَمَرَّةً إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به الإشكالات وهذا بعيد جدا لم ينقل هذا عن أحد من السلف ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ولنقله الناس على التعدد والتكرار Donc ça c'est encore les paroles de Ibn Kathir qui explique que certains parmi les gens qui sont venus après les salafs, ils ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le voyage nocturne une fois de la Mecque à Bayt al-Maqdis à la Palestine seulement, et une autre fois de la Mecque au ciel seulement, et une autre fois de la Bayt al-Maqdis jusqu'au ciel encore une fois, et ils se sont réjouis de cette façon d'expliquer les choses, alors que le chef il dit, il pense que ces gens-là ont réussi à se sortir des problèmes d'explication de toutes les différentes narrations à ce sujet-là, parce qu'ils ont réglé le problème, alors qu'en réalité c'est très loin de la vérité, et ça n'a pas été rapporté, cette interprétation ou cette explication-là, ça n'a pas été expliqué par aucun parmi les salafs. Et si ça s'était reproduit de plusieurs fois de cette façon, l'Isra et le Mi'raj, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait expliqué à sa umma, et aussi les gens l'auraient rapporté, ils l'auraient transmis jusqu'à nous. Donc, ça ne se peut pas que ce soit de cette façon-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la salam. Naam. Après, le Cheikh dit, wa za'ama ba'du sufiya, anna al-Mi'raj waqa'a lahu 30 marra. Parmi les soufis, il y en a qui ont prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait al-mi'raj 30 fois. Wa qala ba'duhum 34 marra. Certains d'entre eux ont même dit 34 fois. Wahidatan minha bi jismihi al-sharif wal baqi bi ruhihi. Wa qila kana al-isra'u marratayn, marratan yaqbatan wa marratan namaman. فأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك أو شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل كان ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظة زادوا مرة للتوفيق. Donc le chef il explique que يعني il y en a parmi eux qui ont dit que une fois il l'a fait avec son corps et le reste c'était avec son âme. Et d'autres ont dit que l'israf était produit deux fois, une fois en état de veille et une fois en sommeil, en état de sommeil. Après il dit, mais les gens qui ont rapporté cette opinion, ils ont, c'est comme s'ils ont essayé de ramener les différentes versions, comme le hadith de Sharik, qui disait que, puis par la suite je me suis réveillé, et qu'ils ont, et les autres narrations aussi, et comme ça ils ont cru que, ils ont réussi à expliquer. Et parmi eux, il y en a qui ont dit que l'Isra était deux fois, une fois avant la révélation, c'est-à-dire une fois avant qu'il soit un prophète, et une fois après. Et d'autres qui ont dit non, c'était trois fois, une fois avant la révélation et deux fois après. Et à chaque fois qu'ils n'ont pas été capables de comprendre une certaine explication dans un hadith, eh bien, automatiquement, ils ont rajouté une autre fois, comme si ça se produisait une autre fois de plus. Et Ibn Qayyim, le chef il le mentionne, il dit « وقال Ibn Qayyim رحمه الله يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه كل مرة أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا فيقول أمضيت فريق فريضتي وخففت عن عبادتي ثم يعيد في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها إلى خمس. Donc Ibn Kathir, Ibn Qayyim, subhanallah, il s'étonne de ces gens-là. Et il dit que, subhanallah, comment ces gens-là ont pu croire que ça s'est reproduit de toutes ces fois-là, et qu'à chaque fois, ils croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté voir Allah sallallahu alayhi wa sallam, et Allah lui a dit de faire 50 prières qui étaient obligatoires, puis il est descendu encore, et il est remonté, puis là, Allah lui a baissé le nombre de prières à 5, et il croit qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait répété soit plusieurs fois, comme une quantité de fois. Alors ça, le chef, il mentionne ça en s'étonnant de l'exemple d'avoir une idée pareille. Après, il continue avec la citation d'Ibn Kathir. Il dit, وقال Ibn Kathir, رحمه الله, كان بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به أو ينساه أو يذكر ما هو الأهم عنده أو يبسط تارة فيسوقه كله وتارة يحذفه عن مخاطبه بما هو الأنفع عنده ومن جعل كل رواية إسراء على حدة كما تقدم عند بعضهم فقد أبعد جدا وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنبياء وفي كل من في كل منها يعرفه بهم وفي كلها يفرض عليه الصلوات فكيف يمكن أن يدعى تعدد ذلك وهذا في غاية البعد والاستحالة والله أعلم. Donc ça c'est la dernière citation du Cheikh Ibn Qayyim, Ibn Kathir pardon, que le Cheikh Al-Fawzan a mentionné. Et dans cette explication, la chef est clarifiée que qu'est-ce qui s'est passé en fait. Parce que l'histoire de l'Isra ou al-Mi'raj, elle a été rapportée par plusieurs narrations, plusieurs versions de hadith. Et chaque narrateur amenait une partie de l'histoire, qu'est-ce qu'il pensait être le plus important pour lui. Hein. Et certains narrateurs avaient rapporté quelque chose, que d'autres n'avaient pas rapporté, et d'autres ont, par exemple, enlevé certaines parties de l'histoire, d'autres ont rajouté une partie de l'histoire que l'autre n'avait pas ajouté. Et donc, certains d'entre les gens qui ont étudié ce hadith-là, ils ont cru qu'à chaque fois, il y avait un nouveau Isra ou un nouveau Mi'raj qui se produisait. Ils ont cru que c'est l'Isra ou le Mi'raj qui se reproduisait à chaque fois qu'il y avait une nouvelle version ou une nouvelle narration. Alors que ce n'est pas le cas. L'Isra ou le Mi'raj s'est passé une fois seulement. Sauf que certains narrateurs ont rajouté, certains narrateurs ont enlevé de l'histoire, certains ont parlé d'un point en particulier pour mettre l'importance sur un aspect. Et d'autres narrateurs ont parlé d'un autre aspect pour montrer une autre importance sur un autre point. Et c'est ça que les chers explique. Donc, il dit que dans chaque version, il y a le salut sur les prophètes et, par exemple, Jibril monte avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il arrive à un étage ou à un niveau dans le ciel et il voit un homme et il lui demande qui est cet homme et Jibril lui dit c'est tel ou tel prophète et donc il monte à un autre étage encore et il voit un autre prophète. Donc, on pourrait pas, il dit comment quelqu'un pourrait penser que ces choses-là se sont reproduites plusieurs fois encore. Donc, ce serait impossible, le chef de Dieu, termine en disant, Wallahu a'lam. Il dit, c'est très loin de la réalité. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça c'est pour le point de l'Isra wa al-Mi'raj. Et je rappelle encore une fois pour, clore ce point, c'est que aussi il y a la preuve dans l'Isra wa al-Mi'raj, de la sifa de Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de sa création. Hein? Il est au-delà de sa création. Et ça, c'est une preuve contre les gens de Bid'a qui essaient de nier que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qui essaient de nier ses attributs. Donc, ça, c'est un point important. Donc, là, on rentre dans un autre point que le chef mentionne comme étant une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, وثانيا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكره. Le chef dit, la généralité du message, l'universalité du message du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم et la réputation de ceux qui nient cet aspect. Il dit, يقول جماعة من اليهود والنصارى ومن قلدهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب دون أهل الكتاب ويلبسون بقولهم إن كان دينه حقا فديننا أيضا حق والطرق إلى الله تعالى متنوعة ويشبهون ذلك بمذاهب الأئمة فإنه إن كان أحد المذاهب راجحا فأهل المذاهب الأخرى ليسوا كفارا. لشيخ الكتاب كما صار لإنه Non, le chef il dit, il y a un groupe des chrétiens et des vieux qui, de ceux qui les ont suivis qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé uniquement aux Arabes et non aux gens du livre. C'est-à-dire qu'il n'est pas été envoyé aux juifs ou aux chrétiens. Et ils essaient de faire croire aux gens en disant, même si la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vraie, mais aussi notre religion à nous elle est vraie, pas seulement, on peut pas nier que, comme si c'est vrai, l'islam est vrai, mais le christianisme et le judaïsme aussi sont corrects. Et il y a plusieurs voies et tous les chemins, il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu, on peut en dire, il y a plusieurs chemins et on peut prendre celui qui nous plaît. Hein? Et le cheikh il dit, il essaie de faire la comparaison pour tromper les gens, ils essaient de comparer ça avec les différents madahib parmi les quatre madahib des imams de l'islam, comme par exemple Imam Ahmad, le Shafi'i, Hanafi et Ahmad ibn Hanbal. Donc ils essaient de faire comprendre que, bon, peut-être que même s'il y a une des paroles des madahib qui est plus proche de la vérité qu'un autre, ça ne veut pas dire que les autres madahib sont en dehors de l'islam. Donc c'est comparable à ça, ils essaient de comparer le christianisme et le judaïsme à cette comparaison par rapport aux musulmans et les différences entre les mazahib. Et le chef il répond en disant « هذا القول باطل ظاهر البطلان » هذا القول ظاهر البطلان لأنهم لما صدقوا برسالات لازمهم تصديقه في كل ما يخبر به وقد قال إنه رسول الله للناس عامه والرسول لا يكذب فلازم تصديقه حتما. Donc, il explique, le chef, il répond, il dit ça, c'est clair que c'est complètement faux, cette idée. Pourquoi? Parce que s'ils croient, s'ils ont cru au messager, s'ils ont cru au message, alors automatiquement, ils doivent croire à tout ce que le prophète a apporté. D'accord? Et, il a été dit, par Allah subhanahu wa ta'ala que ce messager-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à tous les gens, à toute l'humanité, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne ment pas. Donc, si tu crois qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu dois croire qu'il a été envoyé à toute l'humanité et non aux juifs et aux chrétiens en particulier. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى والقيصر والنجاشي والمقوسقي وسائر الملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé ses messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé ses messagers à différents rois et à différentes personnes avec des messages pour les appeler à l'islam, comme il a donné comme exemple Al-Najashi, Kisra, Qaisar. Kisra c'était le dirigeant, l'empereur de la Perse à cette époque. Qaisar c'était le César, celui qui était en Rome. Al-Najashi, c'est le roi en Éthiopie. Et Muqawqis, c'est la première fois que je vois son nom en fait. J'ai pas entendu parler de deuxième, mais d'après moi, il était peut-être le roi de Omar, si je me trompe. Peut-être un des rois de ces alentours-là. Et il a envoyé des lettres à la plupart des rois de son époque. D'accord, pour les appeler à l'islam. Et on sait que la plupart de ces rois-là, ils étaient sur une des religions déjà venues. Hein. Si c'était pas, Kisra qui était Majusi, Kaifar qui était, à cette époque, les Romains étaient déjà devenus chrétiens. Donc c'était des chrétiens à cette époque. Et on a dit aussi la même chose. Hein. Peut-être que, peut-être que l'Égypte, ça soit que ce soit le roi d'Égypte à cette époque. Parce que bon, je ne suis pas certain. Donc, après, il dit ثُمَّ مُقَاتَلَتُهُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ وَسَبْيُ ذَرَارِيهِمْ وَالسِّبَاحَةِ دِمَائِهِمْ وَضَرْبُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالتَّوَاتُرِ وَالضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ دَعَى الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَدَعَى أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ وجاهد أهل الكتاب كما جاهد المشركين فجاهد بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وأهل خيبر وكلهم يهود وسبى ذراريهم ونساءهم وغنم أموالهم وغنم النصارى عن تبوك بنفسه وبسراياه حتى قتل في محاربتهم زيد بن حارثة مولاه وجعفر وغيرهما من أهله وضرب الجزي على نصارى نجران وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده جاهدوا أهل الكتاب وقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزي على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون. Donc le cheikh il explique et il donne un exemple aussi pour prouver que les gens du livre, c'est pour eux aussi le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non seulement aux Arabes, il dit que parmi les preuves de ça, c'est qu'il les a combattus les gens du livre, et il a pris leurs enfants et leurs femmes en esclavage, et il a rendu leur sang halal. Et il aura donné, il aura frappé par la taxe, ou la divya qu'on appelle. Mais qui appelle ça la taxe de capitulation. En fait, c'est plutôt une taxe pour que ceux qui, les chrétiens et les juifs qui ne veulent pas convertir, se convertir à l'islam, et qui veulent rester sur leur religion, eh ben, ils doivent donner en échange de ça une somme d'argent. Et ça, c'est pour les riches d'entre eux. Ils doivent payer ça aux musulmans comme punition pour le fait de vouloir rester dans leur religion. Et ils doivent s'humilier, c'est-à-dire ils doivent rester humiliés dans le pays des musulmans. Et c'est expliqué dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith rapporté dans le Sahih Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait aux gens une armée ou une troupe, il leur ordonnait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et il disait, et lorsque vous rencontrez les musulmans, appelez-les à trois choses. En premier, appelez-les à l'islam. Et s'ils acceptent, alors, ça y est, l'année, vous les laissez et vous les combattez pas. Mais s'ils refusent, vous les appelez à payer la divya, à payer une somme d'argent pour rester sur leur religion. Et s'ils refusent, alors, cherchez le support d'Allah central et combattez-le. Donc ça c'est les trois degrés, les trois étapes à prendre lorsque on fait le djihad contre les mouchriquins, contre les kuffars des gens du livre qu'on doit suivre. On les appelle à l'islam, s'ils refusent, on leur demande de payer la djihad. S'ils refusent, c'est le combat. Ensuite, il a donné l'exemple qu'il a établi ce relatif là. Et ça, il dit, c'est une chose qui est connue, il y a sans aucun doute, ça a été rapporté par un nombre infini, un nombre très grand de personnes, parmi les musulmans et parmi les non-musulmans également. Parce qu'il a appelé les musulmans à la foi, il les a appelés les gens du livre aussi, de la même façon à croire en l'islam. Et il a combattu les gens du livre, comme il a combattu les mouchriquins, comme par exemple Bani Qaynuqa, Bani Nadir, Bani Qurayza, c'était trois tribus qui vivaient dans les alentours de Médine, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bani Qaynuqa, Bani Nadir et Bani Qurayza, c'est trois des tribus des Juifs qui vivaient à cette époque-là à Médine. Il y avait aussi Ahlul Khayba, tous ces gens-là c'était tous des Juifs. Les gens de la ville de Khayba c'était aussi des Juifs. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a combattus, il a pris leurs enfants comme esclaves, et il a pris leurs femmes également comme esclaves, et leurs biens, il les a pris en butin de guerre. Et il a combattu les chrétiens l'année de Tabouk, lorsqu'il est parti pour le combat à Tabouk. Il est parti avec ses troupes pour combattre les chrétiens. Et même que, dans ce combat, il dit, hatta kutila fi muharabatihim, même dans le combat contre les chrétiens, il y a Zayd ibn Haritha qui a été tué, qui était son servant, et il y avait aussi Ja'far et beaucoup d'autres parmi les gens de sa famille qui se sont fait tuer durant le combat contre ces gens-là. Et il a établi sur eux de payer la jizya. C'est-à-dire les chrétiens de Najran, il y avait les gens qui au nord de Médine, il y avait une région qui s'appelait Najran, c'était des chrétiens. وكذلك خلفاؤه الراشدون يعني الخلفاء أبخلي للسكتات للقفة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان علي وسكت لزنسوزي يعني الشيخ الدين من بعده جاهدوا أهل الكتاب وقاتلوا من قاتلهم Ils ont combattu les gens du livre et ils ont combattu ceux qui les ont combattus. Ils ont fait payer la jizya et ils les ont fait remettre la jizya et ils les ont fait respecter certaines conditions et certaines règles. Hein? Si vous allez lire dans, par exemple, le tafsir de Ibn Kathir et dans le livre, par exemple, de l'imam Ibn Qayyim, Ahkam Ahl al-Zimma, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah, je pense que c'est surah 29, ayah 29 du surah At-Tawbah, il y a le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de combattre les juifs et les chrétiens, puis il dit à la fin, jusqu'à ce qu'ils donnent la dizya et qu'ils, de leur propre main, et qu'ils se soient humiliés. Et Omar ibn al-Khattab avait établi une certaine liste de conditions que les gens allaient devoir respecter, les gens du livre allaient devoir respecter s'ils voulaient rester dans, parmi les musulmans. Hein. Et on appelle ces conditions-là al-shurut al-umariyya, les conditions de Omar ibn al-Khattab. Et ces conditions-là sont acceptées par tous les ulama de l'islam et elles sont al-shurut al-umariyya, parce que c'est Omar qui les a établies. Mais bien entendu, il les a établies en se basant toujours sur Kitab al-Sunnah. Et elles sont mentionnées dans Tafsir ibn Kathir et elles sont mentionnées aussi dans le livre de Ibn Qayyim, Ahkam al-Jizya, et dans n'importe quel livre de fiqh que vous allez ouvrir, peu importe quel madhhab, que ce soit le madhhab Maliki ou Shafi'i ou Hanafi ou Hanbali, vous allez trouver une section dans ce livre-là où on parle de Ahkam al-Zimma, les règles concernant les gens qui ne sont pas musulmans, et qui, les chrétiens, les juifs, et qui vivent parmi les musulmans, et vous allez trouver dans ce livre-là toutes les règles qui se rapportent à ces gens-là. D'accord? Et dans ces règles, parmi ces règles, il y avait qu'ils ne pouvaient pas, par exemple, mettre une croix sur leur église. Ce n'était pas permis, si c'était dans un pays musulman, pour eux de mettre une croix sur les églises. Ils ne devaient pas avoir aucun signe apparent extériorisé de leur religion. Tout ce qu'ils pratiquaient, ils peuvent pratiquer leur religion, mais c'est chez eux, puis ils ne doivent pas exprimer ça ou expérimenter ça d'une aucune façon. Ils n'ont pas le droit d'appeler personne à entrer dans leur religion, dans un pays musulman. Et leurs églises, celles qui tombent en ruine parmi ces églises-là, c'est interdit pour eux de les rénover. Ils avaient même certains vêtements qu'ils devaient porter pour les distinguer des musulmans. Ils n'avaient pas le droit de s'habiller comme les musulmans. Ils n'avaient pas le droit de porter d'armes. Ils n'avaient pas le droit de monter à cheval de la même façon que les musulmans. Beaucoup de règles comme ça qui étaient établies dans les shurut al-umariyya qui étaient appliquées à plusieurs époques dans l'Empire islamique ou dans les pays musulmans à travers l'histoire islamique. Bien entendu, comme Ibn Taymiyyah a écrit ça dans plusieurs de ses livres, plus on a vu que dans certaines époques, dans certaines dynasties, il y a eu des rapprochements entre certains juifs et chrétiens et entre certains dirigeants. Et on voyait que plus il y avait des rapprochements, plus que les gens de Bid'a prenaient de la force dans les pays musulmans. Et c'est les dirigeants qui étaient plus proches de la Sunna, hein, c'est eux qui appliquaient plus fermement les règles de choses à Omar et les conditions de Omar ibn al-Khattab et tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, il y a des groupes parmi les musulmans, les modernistes comme Ikhwan Muslimin ou d'autres parmi ces tendances modernistes et d'autres tendances aussi, qui, eux, essaient de cacher ces aspects de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de donner toujours une image de l'islam comme étant la religion des droits de l'homme ou de je sais pas quoi. Alors que, on sait très bien que les droits de l'homme ont été écrits par des kuffars. Et, bien entendu, ils ont pas, quand ils ont écrit ces droits, ils sont pas basés sur une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont pas basés sur le Coran et la Sunna. Ce sont basés sur le Kuf. Hein. Et donc, pour eux, le fait qu'une personne soit croyante en une religion, ça n'a aucune importance pour eux. Pour eux, l'Iblis, et tous les kuffars, et les mu'minins, pour eux, c'est la même chose. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de, aucune considération de ça. Donc, c'est pour ça que, quand les musulmans ont été envahis par ces idées-là qui viennent de l'extérieur, ils ont commencé à avoir ces complexes-là vis-à-vis des non-musulmans, d'essayer toujours de cacher des aspects de leur religion, donc ils commencent à avoir une sorte de complexe vis-à-vis de certains principes de l'islam, à cause de leur ignorance, à cause du fait qu'ils n'ont pas bien compris peut-être les bases de la religion sérieuse, comme il faut. Donc ils essaient de faire des sortes de ta'wil, de c'est d'interpréter les aspects de l'islam d'une façon à essayer de nier ou couvrir ces choses-là, hein. Comme le fait qu'il a pris, lorsqu'il a pris, je pense que c'était Ben Khouraïwa, je pense, lorsqu'il est entré dans la ville, il a demandé à Sa'd ibn Mu'az de juger. Quand ils ont fini de prendre le pouvoir, ou pas le pouvoir, mais de prendre le dessus sur les juifs de cette région, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Sa'd ibn Mu'az, qui était un des chefs d'une tribu de Médine, de juger parmi les juifs pour décider qu'est-ce que ça allait être leur punition. Parce qu'ils avaient trahi leur entente avec le prophète, leur pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a demandé à Sa'd ibn Mu'az de d'établir la punition pour eux. Et Sa'd ibn Mu'az a dit, d'accord, je juge que tous les hommes soient exécutés et que les femmes et les enfants soient pris en esclavage. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a jugé d'un jugement qui est exactement le même que celui qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il a jugé d'une façon correcte. Et donc, ça c'est des choses qui sont mentionnées dans les hadiths, dans Sahih Muslim, dans Sahih al-Bukhari. C'est des histoires qui sont authentiques. Donc, c'est juste pour nous donner un exemple, pour voir que c'est pas vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté que les juifs et les chrétiens soient sur la vérité et qu'ils puissent rester sur leur religion malgré qu'ils reconnaissent que l'islam peut être vrai. C'est un mensonge de leur part. Et il y a des musulmans aujourd'hui, Allah musta'an, yani, comme certains là qui sont désolés, yani, qui disent que, qui acceptent les juifs et les chrétiens disant oui, leur religion est bien, ils sont corrects. Et c'est pour ça, ces gens-là, c'est des gens vraiment, ils ont suivi une voie d'égarement, subhanallah. Donc, faites attention à ces musulmans-là quand vous les entendez là, parler au sujet des juifs et des chrétiens. Et ils pensent que peut-être en faisant ça, ils vont être capables d'attirer les chrétiens à l'islam. Mais la façon d'attirer les chrétiens à l'islam, c'est de leur expliquer le tawhid, m'expliquer que Jésus, c'est pas le fils de Dieu, c'est pas Dieu. Et que c'est Dieu seul qui doit être adoré. Et s'ils retournent dans leur livre, ils vont trouver ces exemples-là. Et la preuve que moi et d'autres certains ici, on était des chrétiens, qu'on a accepté l'islam. Hein? Et il y a certains parmi des convertis, là, même qui se tiennent avec certains musulmans déviés comme ça. Et que si on critique le christianisme devant eux, ils se choquent et ils se mettent à défendre le christianisme. Alors qu'ils sont devenus musulmans. Alors ils adoptent l'attitude des munafiqines, hein, des hypocrites, qui n'ont pas vraiment compris l'islam, qui n'ont pas vraiment accepté l'islam correctement. Si on critique les christianistes, c'est pour les erreurs qu'ils ont inventées, qu'ils ont ajoutées dedans, et pour les égarements qu'ils ont fait, qui sont éloignés du livre d'Allah central, et de l'enseignement de même, de l'enseignement de Isa. Donc le cheikh continue, « Zihaz al-Qur'an, alladhi » يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه وتكفير من لم يتبعه منهم ولعنه كما جاء بتكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه. قال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وفي القرآن من قوله يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل ما لا يحصى إلا بكلفة وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة يعني إلى قوله هم خير البرية يعني المؤمنين ومثل هذا في القرآن كثير جدا وقد قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض donc le chef il dit et le Coran tout le monde sait que c'est le livre avec lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et dans son livre, dans ce livre, le livre d'Allah, le Coran, il est rempli d'appels des gens du livre à l'islam. Et il est rempli aussi de déclarations de mécréance pour les gens qui n'ont pas suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même de malédictions, il y en a de l'âme, il y en a de malédictions pour ceux qui refusent de croire en lui, et de déclarations de mécréance pour ceux qui refusent de les suivre parmi les mouchriquins aussi. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés, les a critiqués ceux qui ont refusé de croire en lui. Il dit par la ta'ala, Allah il dit dans le Coran, ô les gens du livre, ô ceux parmi vous qui avez reçu le livre, croyez en ce que nous avons fait descendre et qui est en accord avec ce qui est avec vous, c'est-à-dire qui est en accord avec ce qu'on a révélé à vous avant. Hein, les gens du livre, ils ont reçu une révélation, la Torah et l'Injil et tout ça. Donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté? C'est en accord avec ce qu'ils avaient reçu eux aussi. Donc, Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, il s'adresse à eux et il leur ordonne de croire en le Coran. Et dans l'autre verset, c'est rempli par exemple dans le Coran, c'est rempli d'endroits où Allah s'adresse directement aux gens du livre en disant « Ya Ahl al-Kitab, Ya Bani Israël, ô gens du livre, ô fils d'Israël ». Vous savez que Israël c'est Jacob, c'est un des noms de Jacob. Jacob s'appelle Israël. Donc quand Allah dit « Ya Bani Israël », c'est comme s'il appelle « ô fils de Jacob, descendant de Jacob ». Il s'adresse à eux directement. Et ça c'est innombrable, c'est mentionné tellement de fois dans le Coran que c'est difficile à les compter. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikhouna. Qala ta'ala, lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikeen munfakkeena hatta ta'tiyahum al-bayyinah. Les mécréants parmi les gens du livre et les mushrikeen, ça c'est un verset là, surat al-bayyinah. On la connaît tous cette sourate, hein. Il dit les gens du livre et les mécréants parmi les gens du livre ainsi que les mouchriquins ne sont pas divisés jusqu'à ce que leur vienne la preuve claire, al-bayyina, hein. Rasoulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima. Donc dans tous ces versets-là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il déclare que les gens du livre sont des kuffars. Et il dit dans un des versets dans cette sourate, il dit إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Allah dit dans le Coran, les gens qui ont mécru parmi les gens du livre et les mouchriquins, les idolâtres, qui sont dans l'enfer éternellement. Et ce sont eux qui sont les pires parmi les créateurs. Donc ça c'est des versets clairs dans le Coran. Et après Allah dit à propos des croyants, ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres, c'est-à-dire qui ont appliqué, qui ont cru au tawhid et qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans leurs actions, ceux-là sont les meilleurs de la création, les meilleurs créateurs. Le chef il continue, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ya ayyuhanna, ô vous les hommes, je suis le messager pour vous tous. Donc Allah ta'ala, ولا أعرف الناس إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى dit, et je ne vous ai envoyé que pour, et je ne t'ai envoyé que pour tous les hommes comme annonciateurs et avertisseurs, mais la plupart des hommes ne savent pas. Donc c'est un verset qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu pour toute l'humanité, et donc il n'y a pas d'exception parmi l'humanité pour laquelle il a été envoyé. C'était pour tout le monde. Après, le chef continue, il dit, وَاسْتَصَابَ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَوْلُهُ وَأَعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي وَذَكَرَ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وبعثت إلى الناس عامة. Donc ça c'est un hadith authentique aussi, il se trouve dans Sahih Muslim et aussi dans d'autres livres, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, il dit on m'a donné 5 choses qu'aucun autre prophète avant moi n'avait reçu. Et parmi ces cinq choses, il a dit, les prophètes avant moi étaient envoyés à leur peuple en particulier, alors que moi j'ai été envoyé à l'humanité en entier. Hein? Donc ça c'est une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, et c'est un hadith qui est rapporté selon Jabir. Donc il est authentique. Et après il dit, بَلْ تَوَاثَرَ عَنْهُ أَنَّهُ بُعِثَ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Et même ça a été rapporté d'une façon, et التواتر, parce que le chef il utilise le terme تواتر, et التواتر, c'est un des termes dans les terminologies des hadiths, pour classifier les hadiths, et quand on dit التواتر, c'est pour dire qu'il y a tellement un grand nombre de personnes qui l'a rapporté, que c'est impossible que ce soit un mensonge, parce que trop de gens l'ont mentionné, d'accord? Parce que ça, التواتر. Comme par exemple, si je vous dis qu'il y a un pays qui existe, qui s'appelle l'Espagne, c'est impossible que je mente parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont rapporté, et qui l'ont mentionné, qui l'ont dit, que ce serait impossible que tous ces gens-là soient tous mis d'accord pour dire que ce pays-là existe, alors que personne, on ne se connaît même pas, si on n'a même pas été ensemble, on n'est pas mis d'accord pour mentir là-dessus. Donc ça, c'est un exemple de ce que ça signifie « Estawato ». Après, il dit, فإذا علم بالاضطرار والنقص المتواتر الذي تواترت كما تواتر ظهور دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان وأنه حكم بكفر من لم يؤمن منهم وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأنه قتلهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الجزية عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم وحاصر بني قينقاع ثم أجلاهم إلى أزرعات وحضر بني النضير ثم أجلاهم إلى خيبر ثم وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر ثم حاصر بني قينقاع لما نقضوا العهد وقتلوا رجالهم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم وقد ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب وقتل أهل خيبر حتى فتحها وقتل من قتل من رجالهم وسبى من سبى من حريمهم وقسم أرضهم من المؤمنين وذكره الله تعالى في سورة الفتح وضرب الجزية على النصارى وفيهم أنزل الله سورة آل عمران وغزى النصارى عن تبوك وفيها أنزل سورة براءة وفي عامة سورة المدينة مثل البقرة آل عمران والنساء والمائدة وغير ذلك من السور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم ما لا يتسع المقام للإفاضة الإفادة فيه. Donc, tout ce chapitre-là, le chef résume un peu ce qu'il a dit plus tôt, mais il rajoute des détails de clarification intéressants. Le chef, il dit, il est connu par l'authenticité et par les rapports qui ont été ramenés par Tawatur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à l'islam et que son da'wa s'est répandu. Et il a appelé les gens du livre à la foi. Et il a expliqué qu'ils sont des kuffars et amis. Ceux d'entre eux qui n'avaient pas cru, ils sont dans le kuffre. Et il a ordonné de les combattre jusqu'à ce qu'ils soient musulmans ou qu'ils donnent la jizya en s'humiliant et en la donnant de leur propre main. Et il les a combattus par lui-même et avec ses troupes, et il leur a fait payer la jizya, il a combattu ceux qui l'ont combattu, et également il a pris en esclavage leurs enfants, et il a pris leurs biens, et par exemple il a assiégé, comme on dit, Hafara, quand on fait un il a assiégé Bani Qaynuqa, mais il nous a expulsés de, vers une autre région qu'on appelle Azra'at. Il nous a expulsés de cette région, il nous a envoyés vers Azra'at. Il a assiégé Banu Nadir et il nous a expulsés vers Khaybar. Et Allah SWT, c'est au sujet de cela qu'il a révélé Sourate Al-Hashr, l'Exode, et au sujet de ces gens-là, les impieux. Hein, si vous lisez Sourate Al-Hashr, vous allez voir un peu, Allah SWT explique qu'est-ce qui s'est passé. يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا له للأبصار يعني سبحانه وتعالى إن جنبك تحتئين مثل إكزامبل يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد يعني ils vont pas vous combattre excepté derrière des murailles et entre eux il y a beaucoup de distinctions يعني et vous les croyez unis alors que leurs cœurs sont divisés et les exemples de ces gens-là. Donc vous allez voir que tout ce qui s'est passé s'est expliqué dans cette sourate Al-Hashr. Et après il dit et il a assiégé Bani Qurayza lorsqu'ils ont rompu leur pacte et il a tué leurs hommes et il a pris en esclavage leurs femmes et leurs enfants et leurs biens, leurs filles, leurs biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans Sourate Al-Ahzab. Si vous lisez Sourate Al-Ahzab, vous allez comprendre que ça a un rapport à Bani Qurayza. Il a combattu les gens de Khaybar jusqu'à ce qu'ils réussissent à la conquérir. Et il a tué ceux qu'il a tués parmi les hommes et il a pris en esclavage les femmes et il a divisé leurs terres entre les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans une sourate dans le Coran, qui est sourate Al-Fath. Et il a établi sur eux, il a établi sur les chrétiens la jizya, wa alaykum salam wa rahmatullah, sur les chrétiens. Et c'est à leur sujet que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sourate Al-Imran, et il a combattu les chrétiens l'année de Tabouk. Et il a révélé au sujet de cet combat la sourate qu'on appelle Bara'a, ou bien sourate At-Tawbah. C'est le chapitre 9 dans Al-Qur'an. Toute cette sourate parle de cet événement-là. Et, fi'amati sourate al-Madaniya. Dans la plupart des chapitres ou des sourates qu'on appelle, ou celles qui sont révélées durant le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la ville de Médine, et ben, il a beaucoup parlé, Allah SWT a beaucoup parlé des juifs et des chrétiens dans ces sourates-là, sourate Al-Baqarah, sourate Al-Imran, sourate Al-Nisa, sourate Al-Ma'ida, et beaucoup d'autres sourates aussi qui ont été révélées à Médine. Et vous allez voir que dans ces versets-là, dans ces sourates-là, il y a beaucoup d'appels aux gens du livre, et Allah s'adresse à eux directement. Et le chef il dit que c'est pas le moment de trop commencer à mentionner beaucoup d'exemples parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Donc il veut juste mentionner ça comme un exemple pour nous donner le goût de retourner au Coran pour essayer de comprendre et d'apprendre plus par nous-mêmes de ces exemples-là. ثم خلفاؤه من بعده أبو بكر وعمر ومن معهما من المهاجرين والأنصار الذين يعلم أنهم كانوا أتبع الناس له وأطوعهم لأمره وأحفظهم بعهده وقد غزوا الروم كما غزوا فارس وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد Donc le cheikh il dit, la même façon aussi que les Khulafa aussi après, ont continué à faire la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait que ce sont eux qui sont les gens les plus assidus à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont les plus veillants à garder leur engagement envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont combattu Rome, ils ont combattu Rome ils ont combattu la Perse et ils ont combattu les Angulis, comme ils ont combattu les Majus, hein, les Zoroastriens, je pense, on traduit les Majus comme étant les Zoroastriens, ceux qui adorent le feu et qui croient qu'il y a deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal, ça c'est le, ce qu'on appelle les Majus. C'était déjà, c'était la croyance des Perses avant, avant l'islam. Ça y est, il est branché. Après le cheikh il dit, ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أخرجه مسلم C'est un hadith authentique qui est rapporté par le même musulman, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure par celui dans lequel l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est dans sa main, que personne de cette umma n'entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, et qui meurt sans avoir cru en ce que j'ai apporté, ou en ce que, avec quoi je suis venu, sans qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Donc ça veut dire, si un juif ou un chrétien entend parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis il meurt sans accepter l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kana min ashab al-nar. Donc ça, c'est un des hadiths les plus clairs sur le sujet, et puis la plupart des musulmans ignorent ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vais répéter encore une fois, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار Donc ça c'est un hadith le plus clair qui mentionne que les juifs et les chrétiens ils n'ont pas le choix pour aller au paradis et d'accepter l'islam. Ils ne peuvent pas rester chrétiens ou juifs et qu'ils ont entendu parler de l'islam ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et croire qu'ils peuvent continuer à aller au paradis ou avoir l'espoir d'aller au paradis. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى تصديق ذلك في كتاب الله تعالى من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده Donc سعيد بن جبير il a expliqué que ça c'est confirmé par un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et celui parmi les ahzab, yani les groupes, je sais pas comment traduire, l'ahzab, mais ceux parmi les ahzab, yani qui ont mécru en lui, alors ça, les coalisés, ouais, c'est ça, les coalisés, par exemple, là aussi. Donc, si un parmi les coalisés refuse de croire en lui, yani au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors sa destination sera l'enfer. ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم بالاضطرار فإذا كان الأمر كذلك لزم أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل الطوائف Donc ça c'est une chose qui a été rapportée d'une façon par un nombre infini de ou un grand nombre de personnes par différents hadiths et différents versets dans le Coran et donc c'est impossible de le nier الشيخ القاضي يقول فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم ورسول الله لا يكذب ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله ولا يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله فمن قال إن الله أمره بذلك ولم يكن الله أمره كان كاذبا مفتريا ظالما ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وكان مع كونه ظالما مفتريا من أعظم المريدين علوا في الأرض وفسادا وكان شرا من الملوك والجبابرة الظالمين فإن الملوك الجبابرة يقاتلون الناس على طاعتهم ولا يقولون إنا رسل الله إليكم ومن أطاعنا دخل الجنة ومن عصانا دخل النار بل فرعون وأمثاله لا يدخلون في مثل هذا ولا يدخل في هذا إلا نبي صادق أو متنبئ كذاب كمسيلمة والأسود وأمثالهما. Donc le chef il dit que ça a été affirmé que Allah que c'est établi que le messager d'Allah était envoyé pour les gens du livre et pour tous les autres aussi. Et le messager d'Allah il ne ment pas. Et il ne combat pas les gens, pas que ce soit par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne combat pas les gens juste comme ça, comme le chef il dit. Il ne rend pas le sang des gens halal, juste comme ça, sans raison. Il ne prend pas leur bien et leur maison sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui dit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire ça, ou qui n'a pas fait ça par فَمَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ أَمَرَهُ كَانَ كَاذِبًا مُفْتَرِيًا ظَالِمًا. Donc c'est comme si le chef il dit que celui qui croit que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné ça, ou que ça n'est pas été fait par l'ordre d'Allah, alors celui-là il a menti et il a inventé un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala, il est injuste. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui dit, on m'a révélé quelque chose alors que rien ne lui a été révélé. Donc c'est comme s'il dirait par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menti en disant qu'il est ordonné de faire ça, ou bien qu'il ment dans le sens qu'il a inventé un mensonge à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est une forme d'injustice. Et donc selon ces gens-là, وَكَانَ مَعَ كَوْنِهِ ظَالِمًا مُفْتَرِيًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُرِيدِينَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا كَانَ شَرًّا مِنَ الْمُلُوكِ. C'est-à-dire ceux qui prétendent ça, il a fait ça de lui-même, et ils essaient, c'est comme s'ils essaient de dire qu'il est plus injuste et plus injuste, et qu'il voulait le pouvoir et la puissance sur la terre, et en fait ils disent qu'il est pire que les rois et les empereurs, et les pires même que Pharaon, parce que même ceux-là ils disaient pas aux gens, vous allez au paradis si vous obéissez, et vous allez en enfer si vous désobéissez. Hein? Donc c'est comme si ces gens-là qui nient que qu'est-ce qu'il a fait par l'ordre d'Allah, ils mettent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un niveau plus grave encore que ces tyrans-là, et en même temps ils le comparent à des faux prophètes comme Musaylama al-Kadhab et al-Aswad et beaucoup d'autres qui se sont prétendus des prophètes, être prophètes alors que c'était des menteurs. Et le cheikh il continue et il dit, فَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ نَبِيٌّ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَنِ اللَّهِ حَقًّا وَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إلى أهل الكتاب وإنه تجب عليهم طاعته كان ذلك حقا. Donc le cheikh il résume, il dit, donc si on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est obligatoire de croire en ce qu'il a informé, et puis de croire que ça vient d'Allah et que c'est la vérité, et que c'est obligatoire, donc c'est obligatoire aussi de l'obéir dans ce qu'il a ordonné, dans tout ce qu'il a ordonné, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous n'avons envoyé de messagers excepté pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans Surah An-Nisa, le verset 64. On n'a pas envoyé de messagers excepté pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Donc, si il a informé qu'il est le messager d'Allah aux gens du livre, alors c'est obligatoire pour eux de le suivre, et c'est la vérité. ومن أقر بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر أن يكون مرسلا إلى أهل الكتاب فهو بمنزلة من يقول إن موسى كان رسولا ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشام ولا يخرج بني إسرائيل من مصر وأن الله لم يأمره بذلك وأنه لم يأمره بالسبت وأنزل عليه التوراة ولا كلمه على الطور وبمنزلة من يقول إن عيسى كان رسول الله لم يبعث إلى بني إسرائيل ولا كان يجب على بني إسرائيل طاعته وأنه ظلم اليهود وأمثال ذلك من المقالات التي هي أكثر المقالات ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Donc le chef explique et dit, celui qui dit qu'il croit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et qui par la suite nie qu'il a été envoyé aujourd'hui, alors il est semblable à celui qui dit que Moussa alayhi salam était un messager d'Allah, mais il n'était pas obligatoire pour lui de rentrer en Palestine, dans la terre de Canaan, comme on appelle, et que ce n'était pas obligatoire pour lui de faire sortir les gens de Ben Israël de l'Égypte, et que ce n'est pas Allah qui lui a ordonné de faire ça, et que Allah ne lui a pas ordonné le sabbat, et qu'il ne lui a pas révélé la Torah, et qu'il ne lui a pas parlé sur la montagne. Donc, celui qui dit ça, qui croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne croit pas que ce qu'il a fait, ça vient c'était un ordre d'Allah, c'est semblable à ces gens-là, au fait de dire, oui, on croit à Moïse, mais on ne croit pas que tout ce qu'il a ordonné de faire, ça venait d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même chose aussi pour ceux qui disent, oui, on croit à Isa, mais on ne croit pas que c'est Allah qui lui a ordonné de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'aller au fil d'Israël, d'Israël, et de leur ordonner de l'obéir à lui, et qu'il a fait une injustice aux Juifs. Donc ça c'est un exemple de certaines idées, et ça c'est des paroles qui sont parmi les plus grandes formes de mécréance. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ceux qui veulent faire la distinction entre Allah et ses messagers, et qui veulent diviser ou séparer, faire une séparation entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, et nous rejetons certains d'entre eux, et ils veulent prendre une voie entre les deux, c'est-à-dire nous on croit à certains prophètes, mais on rejette les autres, et bien Allah s'entend dit dans le Coran à propos d'eux, « Oulaïka humul kafirun haqqa » Voilà les vrais mécréants. Et on a préparé pour ces gens-là, pour ceux qui ont mécrit, un châtiment humiliant. Donc ça c'est pour le sujet qu'on a parlé aujourd'hui. Et puis, parmi les gens d'aujourd'hui là qui sont très connus parmi les speakers, comme on dit, je ne peux pas l'appeler les ulama, en tout cas, les orateurs, les gens qui sont très connus parmi les gens et respectés parmi une grande majorité de musulmans, les gens qui ont ces idées-là, comme Youssef Al-Qardaoui, lui c'est un des pires, qui est en train de créer la fitna dans le monde musulman avec les juifs et les chrétiens. Parce que lui, il essaie de les faire considérer comme étant des minimes, comme étant des croyants. Et les musulmans écoutent ses paroles. Et ils croient que ce qu'il dit est vrai parce qu'ils pensent que c'est un alim. Alors qu'en réalité, subhanallah, qu'est-ce qu'il dit, les paroles qu'il dit, il y a des paroles tellement courtes dans les paroles qu'il récite et qu'il mentionne. Et alhamdulillah, les ulama de l'islam ont répondu à ces paroles. Le Cheikh Mouqbel ibn Hadi al-Wadi'i, il a fait quatre cassettes sur Youssef al-Qardaoui pour réciter ses idées. Cheikh al-Fawzan, Talih al-Fawzan, le Cheikh qu'on est en train d'étudier le livre, il a un livre qui a répondu au sujet de son livre Al-Halal ou Al-Haram fil Islam. Cheikh Mohammed Nasser al-Din al-Albani, il a fait le tahrir de tous les hadiths qui se trouvent dans son livre Al-Halal ou Al-Haram, et à chaque fois qu'il y avait une note ou un commentaire à faire, il a fait le commentaire à ce sujet, il a corrigé ses erreurs et ses paroles qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Et il y a beaucoup d'autres aussi parmi les ulama, et même il y a parmi les tulab al-ilm, parmi certains des étudiants de ilm, qui sont en train de préparer des récitations, yani, pour ce cher, mais des récitations plus fondamentales, parce qu'ils veulent expliquer réellement les fondements et les bases d'égarement qui sont présentes dans cet homme. Yani, parmi les choses qu'il a fait dernièrement, lorsque le pape est mort, il a fait une émission spéciale sur le pape. Et il a parlé de lui comme étant un défenseur de la foi. Et comme étant un des hommes qui a été sincère, dans la prêche de sa religion et toutes ces choses-là. Donc, comment quelqu'un qui se dit musulman, qui fait une émission spéciale réservée uniquement, pour le pape, pour essayer de le glorifier et de faire rappeler aux musulmans que c'est un homme, un grand homme, et qu'il faut l'aimer, il faut le respecter. Ça, c'est des idées vraiment. Et on a entendu les paroles des ulama et des tulab ilm qui ont récité ces paroles qu'il a dites à cette occasion-là. Et puis, ce n'était pas la première fois qu'il a dit des paroles semblables. C'est un homme qui, lorsque Noël arrive et les fêtes, il souhaite bonne fête aux kuffars. On sait que ça, c'est complètement contraire à l'islam. Aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que les juifs et les chrétiens sont nos frères, et il a souvent critiqué, une fois il avait critiqué Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimallah, il avait critiqué pour le fatwa qu'il avait fait pour permettre de faire l'entente avec les juifs. Il avait critiqué Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là, alors que lui, dans ses livres, alors que lui, dans ses livres, il dit que les juifs et les chrétiens sont nos frères. Et il dit, on combat pas les juifs pour la terre, on combat pas les juifs à cause de la religion, ou d'une différence entre nous et eux dans la religion. On les combat uniquement pour la terre. C'est juste une question de terre, pourquoi on se bat avec les juifs. Donc c'est une personne, comment une personne qui dit des choses pareilles peut après venir et critiquer un cheikh comme Abdelaziz ibn Baz qui a donné une fatwa en se basant sur le kitab al-sunna pour prouver que c'était permis dans certaines situations de faire un pacte avec ces gens-là jusqu'à ce que les musulmans arrivent à se sortir de leur situation pour être capables de les faire sortir, mais que pour l'instant c'était mieux de patienter de cette façon-là, et puis lorsqu'on sera capable, Inch'Allah, on reprendra notre terre, mais en attendant, on prend ce qu'on est capable de prendre par le pacte. Et donc, eux, ils ont refusé ça, et le cordon lui a dit ce qu'il a dit. Ça, c'est juste des exemples que je vous donne, et pour vous montrer que cet homme-là, il y a beaucoup de paroles de Youssef al-Qardaoui, par exemple, dans une des citations, il dit, bon, les juifs et les chrétiens, on n'a pas le droit de les appeler des kuffars. Et il dit, parce qu'ils sont croyants. Et il dit, ils croient en une religion, et ils croient en leur religion, donc ils sont des croyants. Et dit, subhanallah, même les juifs, même les bouddhistes, les hindous, les gens qui adorent les vaches, ils croient en quelque chose aussi. Et même les athées, ils croient en quelque chose aussi. Donc, est-ce que le fait de croire en quelque chose, peu importe la chose dans laquelle tu crois, ça fait de toi un mu'min? Mais quand on dit dans l'islam que quelqu'un est mu'min, ça veut dire qu'il est mu'min d'Allah, mais il n'a pas fait le shirk avec Allah, il n'a pas associé rien dans l'adoration avec Allah. Dans ce cas-là, il est mu'min. Mais si quelqu'un a cru ou a dit je crois en quelque chose qui est shirk, et qu'il a refusé de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a rejeté la foi au Coran, hein, alors que ça c'est des conditions pour être mu'min, donc on ne peut pas dire que ces gens-là sont des croyants. On ne peut pas dire qu'on accepte de la foi qu'il prétend avoir. Donc ça, c'est juste une note d'avertissement que je vais donner aux musulmans de savoir que ce gars-là, Al-Qardaoui, c'est une personne qu'on doit pas écouter ses paroles. Ça, c'est les ulama qui ont dit, on ne doit pas écouter ses paroles, on ne doit pas lire ses livres, on ne doit pas être reconnu comme étant parmi les ulama. Et ceux qui écoutent ces émissions qui sont dans le satellite, faites attention à cet homme, il est une base d'égarement. Wallahi, dans cette période de temps qu'on vit, il fait beaucoup de fitna. Donc c'est pour ça qu'il faut retourner au ulama, à Salafiyoun, ceux qui suivent le kitab et la sunna, et qui s'éloignent de ces bid'as et des formes de shirk et de kufr. D'accord, on sait que Al-Qardawi a étudié Al-Azhar, sa base dans l'aqidah c'est l'Ash'ariya, il n'a pas connu d'autres choses. Et donc, toutes ces idées, son manhaj, c'est un manhaj aqlani, basé sur le rationalisme, bon, et sur le modernisme qu'on appelle, ce qui essaie d'interpréter l'islam à la lumière de l'Occident, à la manière de la société ou de la civilisation occidentale, ou déforme l'islam complètement juste pour faire plaisir, ou pour faire, hein. Donc ça c'est une chose pour rappeler à les gens de à ce sujet-là. C'est pas une personne de référence. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله استغفر الله لي vous avez appris quelque chose et puis que cette science va vous être utile inshallah dans votre cheminement inshallah dans l'islam et puis on va continuer qu'est-ce que je voulais dire aussi c'est que demain on va avoir un autre dars et puis aussi mercredi inshallah c'est ça j'avais dit je voulais le faire après l'Isha. Mais là, je ne sais pas si vous voulez après le Maghreb ou après l'Isha, mais ça ne me dérange pas, je vais être libre ces jours-là. Qu'est-ce qui vous convient le mieux, moi, le plus convient pour vous, ça là c'est le plus convient pour moi. Qu'est-ce que vous pensez? Après le Maghreb, on finit plus tôt. Après l'Isha, on finit plus tard, mais ça dépend peut-être certaines personnes ne peuvent pas venir. Directement après le marin, c'est trop tôt parce qu'il y a notre travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Après. Ceux qui veulent après l'Isha, levez la main. Ok, donc ça va être après l'Isha, inshallah. Alhamdulillah. Le dars, je voulais faire le dars de mercredi sur le manhaj. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce que ça signifie, yani, salafia, et de suivre le manhaj salafi. Et qu'est-ce que je voulais faire le lundi, c'était sur Usul Ahl Sunnah de l'Imam Ahmad. C'est pas long, c'est 50 points que l'Imam Ahmad a expliqué, puis avec des explications, des clarifications, pour comprendre c'est quoi le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et puis, après qu'on a terminé ces livres-là, on va passer à d'autres livres, d'autres sujets, Inch'Allah. Donc, c'est tout ça. Merci pour Barak, Inch'Allah. Jazakumullah khairan.